Charline. Alors aujourd'hui, on va se marrer dans l'émission. Non, il n'y a pas d'émission. Non, malheureusement, on a dû prendre une décision. Il n'y a pas d'émission. De gaieté de cœur. On est fini quelque chose. Non, c'est les garçons qui ont décidé. Nous, on hésitait. Mais quoi, il y a grève ? Non. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'émission ? Eh bien, à cause de la pluie. La pluie ! Trop, c'est trop. Oui. Je ne vois pas la logique. Eh ben, on se calque sur Roland Garros. Ah bon ? Ah ben, dès qu'il pleut, on rentre. Voilà, c'est la technique opposée à celle de François Hollande. Il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux quand vous regardez Roland Garros, par exemple ? Tu veux dire par rapport à nous ? Oui, ouais. Par rapport à nos conditions de travail. Les joueurs mettent des tenues dégueulasses, pleines de couleurs. Ah oui, mais ça, Alex aussi. Oui, bonne intervention. Mais ce n'est pas ça. Je veux dire, c'est en lien avec la pluie. Là, on ne voit pas. Non, on ne voit pas. Je vais vous le dire, à Roland Garros, il joue en extérieur. Ouais. Et alors, nous, on fait l'émission à l'intérieur. Donc, pluie ou pas pluie, c'est au boulot, c'est des sujets, c'est on prépare l'arrivée de la vitesse. Oui, mais attends, c'est pas juste. Gasquet, il peut rien foutre parce qu'il pleut, quoi. Juste. Mais Gasquet, mais même quand il est sur le terrain, il bosse pas comme un fou non plus. Allez, hop, hop, là. C'est qui l'invité, du c'est coup C'est Samia Rossman, une humoriste. Ah oui, elle est super, j'aime bien. Ah oui, elle a un turban sur la tête quand elle fait son spectacle. C'est ça, si tu veux. C'est surtout une excellente humoriste. Oui. C'est quand même bien pratique, le turban. Ah oui. Si des fois en studio il pleut, elle est protégée. Bonjour la France Inter, bonjour les Las Palais et Chevaliers, bonjour la à tous, c'est nous. Allez vous écouter l'émission qui avance plus vite que le tournoi de Roland-Garros, et voici les trois actualités qui auront un toit jusqu'à 18h. Les interprétations divergent quant à la mise à l'écart de Ben Arfa et Benzema, à la version de Cantona vient s'ajouter la réaction de Jamel. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Les maires sont actuellement réunis en congrès et l'une de leurs préoccupations, c'est de redonner vie au centre-ville avec plein d'idées volontaristes. Bon, jusqu'à une certaine limite tout de même. En tout cas, pas de hippies sur le territoire de la commune. C'est pas Katmandou ici. Les peintres et sculpteurs du 19e siècle avaient déjà des plans comme. Oui, ils posaient dans leur atelier. Une expo au Petit Palais à Paris rassemble ces photographies et leurs égaux. Mephisto, Marguerite, Faust, sortez! Je ne veux personne dans la salle lorsque je travaille! Je ne veux que Berlioz et moi! Voilà! Et Alex Vizorek, quand même! Et oui, elle assure, Charline Vanhoenacker! Et autour de la table, un casting masculin pour vous, 17h20. Parfois, il ne sait pas quelque chose le matin, alors ça l'énerve, il se renseigne, et le soir, il est capable d'expliquer à un spécialiste du sujet ce qu'il devrait penser. Bref, il a tout pour être un politique. Bonjour, Marius Colucci. Oui, bonjour, Alex. Et de quoi on va parler? Aujourd'hui, je vais vous parler du bouc émissaire. Très bien. 17h30, lui aussi a tout pour faire un bon politique, car il prétend écouter les Français, mais au final, il leur fait surtout dire ce qui l'arrange. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi, je me suis rendu justement au 99e congrès des maires de France, et j'ai rencontré des maires de France. Je suis maire, père et grand-père. Voilà, faut aimer l'humour de maire, hein. C'est clivant. Et 17h40, lui aussi, pour être un excellent politique, car il est spécialiste du scénario, donc lui sait tout à fait manipuler les gens qui le regardent, notre storyteller, Monsieur Thomas Bidguin, bonjour. Mais bonjour, salut les copains. De quoi moi, je viens vous parler de répétition. Enfin, je viens vous parler de répétition. Et bien entendu. Allez, celle qui a tout annulé pour présider cette émission est née sous Mitterrand. Vous entrez au conservatoire en 2002, quand Jennifer sort de la Star Academy. Vous jouez votre premier One Woman Show, Femme de couleur, en 2012, quand la France abroge enfin l'interdiction du port du pantalon pour les femmes. Vous recevez le prix d'honneur du gala Les Impertinentes en 2014, quand Cécile Duflot quitte le gouvernement. C'est pas elle qui a eu le prix, mais bon. Et vous êtes... Samia Rossman. Ah oui, mais voilà, mais c'était ça. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bienvenue parmi nous, Samia Rossman. Merci. On peut vous voir dans votre spectacle Femme de couleur au point virgule. C'est chaque mardi soir. Donc, par exemple, ce soir, on peut vous voir. Ce soir, il en reste que deux après. Eh voilà. Mais on pourra après. Après à Avignon. Ouais, voilà, par exemple. Si ça fait pas trop loin pour vous. Alex Vizorek est allé vous voir. Mais je suis allé vous voir. Et alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un grand moment de bonheur, de positivisme, de mélange multiculturel. Et vous dites un truc. Ça me fait plaisir de vous avoir sur France Inter parce que vous dites que grâce à France Inter et Télérama, de grands prescripteurs, vous avez eu des blancs dans votre salle. Enfin, la cinquantaine, soixantaine qui rigole en mode vibreur. Voilà. Mais des blancs... Des franco-français, blancs. Ouais, parce que vous alpaguez à un moment quelqu'un et vous lui dites, mais sans la radio, sans la télé, tu serais pas venu. Moi, j'aurais bien été te chercher dans la rue pour te dire, viens me voir, mais tu ne serais pas venu. Et c'est vrai que ce problème, on l'imagine pas. Pourquoi nous, on n'aurait pas été spontanément vous voir? Parce que les médias non communautaires ne s'intéressaient pas à ce que j'avais à dire à l'époque. Et donc, après les attentats, on avait besoin d'une musulmane gentille qui fasse rire les gens et qui dise « Mais non, on n'est pas tous des salauds !» Donc il faut remercier, hein, voilà. Remercier Daesh pour tout le travail de promotion de ça. C'est horrible, mais voilà, on a écouté ce que j'avais à dire à partir de ce moment-là. Je pense qu'une fois que la France a touché le fond, elle s'est rendue compte qu'il fallait remonter à la surface. Et ou l'électrochoc, du moins. Voilà, et composer avec tous ceux qui constituent la France d'aujourd'hui. Mais c'est quoi alors un spectacle communautaire? Je sais pas ce que ah, c'est. Oui, c'est... Je sais pas ce que c'est, parce que moi c'est un pont à travers toutes les communautés qui forment la France d'aujourd'hui. Donc je comprends pas ce que ça veut dire. On a tendance à dire par exemple des humoristes qui jouent au Comedy Club que c'est de l'humour communautaire qui touche que certaines communautés. Et moi je comprends pas. Parce qu'un humoriste blanc, franco-français, quand il va raconter sa vie, ça va être de la culture. Et un humoriste ça va être de l'humour communautaire. Or, cette communauté, c'est une des communautés de la France. Donc, je comprends pas. Et alors, il y a un truc que le français va être ravi. Parce que bon, le français, par moment, est raciste. Et c'est rassurant de savoir qu'en fait, tout le monde est raciste. Exactement. Et ça, on découvre dans votre spectacle. Il y a des racismes qu'on connaissait pas. Les Arabes sont racistes envers les Noirs. Les Maghrébins sont racistes entre eux. Et ça, vous nous expliquez pendant le spectacle. Exactement. Parce que quand vous avez appris à votre maman que vous étiez avec un noir, c'était la fin du catastrophe. Monde. Il n'y en a plus des hommes sur la terre pour que tu prends un caillouche. Et donc elle a fait du cinéma, elle a menacé de mourir, elle m'a dit même dans la tombe, quand les verts ils vont me manger, je ne serai pas d'accord avec toi. Tu comprends? C'était une très grande comédienne, ma maman, paix à son âme. Et donc voilà, effectivement, en fait, je dénonce tous les racismes, mais aussi toutes les souffrances que j'ai pu rencontrer en tant que femme. Et du coup, chacun se reconnaît à un moment ou à un autre du spectacle. Et vous dénoncez le racisme, mais vous mettez en avant aussi les différences, parce que vous dites, pour nous, un Tunisien n'est pas un Algérien, n'est pas un Marocain. Et là, on voit rire les gens en fonction des endroits dans la salle, qui soit se reconnaissent, soit reconnaissent leurs voisins et sont bien contents qu'on les balance de cette manière-là. C'est ça, je fais la nuance entre les accents du Maghreb, ceux d'Afrique subsaharienne, et je raconte un peu les préjugés que chaque peuple a sur l'autre. Et c'est pour ça que les gens, finalement, rient tous ensemble, parce que quand bien même ils ne sont pas touchés ou concernés, ça leur permet de percevoir la nuance qu'il y a entre les voisins qu'ils ont l'habitude de croiser. Mais ça veut dire que votre spectacle, il parle tout simplement de l'humain. Et pour paraphraser Francis Lalanne, c'est ce qui nous relie. Mais au-delà de la vanne, c'est ça. C'est, vous parlez de l'humain, donc forcément, tout le monde peut se reconnaître. Et c'est là qu'on dépasse complètement le communautaire, non? Exactement, c'est ça. C'est ça, et toutes les appréhensions qu'on peut avoir les uns des autres. Mais je parle pas que de ça. Je parle aussi de la difficulté de ne pas avoir d'enfants, de la pression sociale que ça peut impliquer, de tous les stades par lesquels on passe quand on est une jeune fille et jusqu'à ce qu'on finisse par mourir. À chaque étape, on vous impose un modèle parce de vie. Parce qu'on a toutes nos règles, hein, qu'on soit algérienne, belge, australienne, c'est ça l'humain aussi. Malheureusement, madame, malheureusement. Hamdoulah, allez, on est avec Samir Rachman. Jusqu'à 18h, vous êtes sur France Inter. On va parler de quoi? Un petit peu de foot et d'arabitude, comme dirait l'autre. Alors, puisqu'il s'agit de Benzema Ben Arfa, donc oui. On va avoir l'occasion de revenir. Non mais ils nous envahissent, ils sont partout, c'est incroyable. C'est grand, je trouve ça hallucinant. Ouais. Samir Rachman est avec nous jusqu'à 18h. Ouais, comme dirait Guillaume Meurice, c'est... C'est une musique communautaire, j'ai l'impression. Tout un de métal, voilà. C'est Pressure Drop sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Samia Horesman, que vous pouvez voir ce soir, par exemple, si vous êtes à Paris au Point Virgule. Il reste deux mardis. Les gens qui écoutent France Inter ne programment pas pour ce soir. Ils programment pour dans deux semaines ou dans un mois. Ah, oh, mais la semaine prochaine, ils vont venir. Mais pour Avignon, femme de couleur, mais oui, Avignon. Pour Avignon, oui, ils ont déjà programmé pour la dernière date d'Avignon. Ils seront là pendant tout le festival. Bien sûr. Et voilà, bah allez à Avignon. Dans quel lieu ? Dans quel lieu ? Faut dire le lieu. Au théâtre du Castellet. Et bah voilà. À quelle heure ? À 18h10. J'ai choisi ce créneau exprès parce que je sais que c'est là où on va voir ceux qui débutent, tu vois. Les grands spectacles, on va les voir à 20h. Donc avant d'aller voir Guillaume Meurice, vous passez me voir moi. Bah bien sûr. En guise d'apéritif, Samia Horesman. Et autour de la table. Eh bien, par ordre d'apparition, Marius Colucci, Guillaume Meurice et Thomas Bidquin. Ouais. Et pendant qu'on parle, le monde change. Oui. Il est déjà temps de se réinformer. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Malgré tous les soucis liés au transport, aujourd'hui, la ministre en charge de ce dossier, Ségolène Royal, n'est pas très présente. Et voilà, elle envoie dans les médias son secrétaire d'État, Alain Vidalis. Oui, et sachez que c'est de lui que vient l'expression charismatique comme un Vidalis. Télévision. Le grand journal de Canal+, contraint de déménager son plateau hier soir suite à un dégât des eaux. Oui, c'est bien la peine de se faire racheter par Bolloré et la Générale des Eaux. Voilà. Puis on vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Voilà, c'est également la deuxième journée mondiale sans Roland Garros. Et on commence donc par Alain Vidalis, qui, en l'absence de Ségolène Royal, bosse comme un fou. Il l'a confié à Léa Salamé. Moi, j'ai travaillé tout le week-end, samedi, dimanche compris. Tout le week-end, samedi et dimanche compris. Ça fait des très gros week-ends. Ça fait des gros week-ends. Hein. D'ailleurs, bah, on a voulu en savoir plus. On a en contact Ségolène Royal, qui est à Moscou pour la COP21. Oui, oui. Madame Royal, c'est fait que moyen du bord. Madame Royal. Le trucage est impressionnant. Hein. La grève des transports s'annonce pour jeudi, Madame Royal. Oui. Je vous entends très mal. Oui. Vous êtes à Moscou pour la COP21. Ah, oh, ça va mieux, ah, oui. Alors, je vous rappelle que je m'occupe de l'avenir de la planète. Oui. Vous savez, moi, l'avenir de la planète, je l'ai là. Cheville et au corps. Oui, mais par rapport au blocage. Ah, ça coupe. Oui, bon, on essaiera de vous rejoindre plus tard. C'est difficile de joindre Restons Moscou. À gauche. Oui, on reste à gauche. Selon Julian Assange, François Hollande est une escroquerie. Ah, apparemment, lui aussi avait voté pour lui. C'est pas, mais apparemment, il n'aurait pas eu besoin d'une fuite sur Wikileaks pour arriver à cette conclusion. Justice. Oui, la garde à vue de Serge Aurier aurait été prolongée de 24 heures. Oui, il avait été placé en garde à vue après avoir insulté et frappé un policier. Ah, c'est décevant, c'est décevant. Le comportement de Serge Aurier, non, vous voulez dire ? Qui n'est pas accès à Périscope en ce moment en cellule. C'est on aurait vraiment une belle chose à diffuser. Évidemment. Oui. Ah, Charline, on me dit que Moscou est récupéré. Donc, Madame Royal, vous êtes avec nous, Madame Royal ? Mais pourquoi est-ce que vous m'emmerdez encore ? Non, mais c'est par rapport au transport, les choses. Mais je m'en tamponne. Oui. Enfin, mais qu'est-ce qu'un petit blocage face au climat qui change ? Oui, mais les Français voudraient quand même. Oui. Alors je vous laisse, je dois m'occuper de l'environnement. Hein, et là, j'ai besoin de concentritude. Sinon, je vais encore faire des conneries. Oui, bon, mais, voilà. Mais n'hésitez pas à rappeler, parce qu'on veut savoir. Oui, on reprend. Reprenons le cours des choses. Oui, télévision, avec hier soir l'ouverture du grand journal. Maïtena Biraben était devant une porte fermée et a accueilli les spectateurs comme ça. Salut à vous tous, j'adorerais vous dire ce soir bienvenue sur le plateau du Grand Journal, mais je ne peux pas, car il est fermé, on a payé la note, c'est pas ça, on a un dégât des eaux. Un petit dégât des eaux, je pense qu'on peut le dire, ce n'est pas la saison du Grand Journal. On reste en télévision avec David Pujadas. Ah, lui, il était bien sur son plateau, et même trop tôt. Il s'est pas rendu compte que le reportage se terminait, on a donc eu droit à une petite engueulade de fin avec un éditeur, mais après, prenez note, écoutez un professionnel du journalisme. La grève a également été reconduite à 85% jusqu'à mercredi midi. Non, je suis très calme. Je te dis juste, tu m'informes, tu... Bien, Guillaume Daret, avec vous maintenant, deux questions pour bien comprendre. Un petit comme si de rien n'était. Passons au bref. Émue par le sort d'un homard dans une poissonnerie, elle l'emporte chez elle et va le remettre à l'océan. Ça s'est passé où ? Aux États-Unis. Ah, parce que nous, en Belgique, on fait pareil avec les steaks de cheval. On les achète et puis on les relâche dans la nature. Et la dernière, oui. Oui, Japon. Ils abandonnent leur fils de 7 ans en forêt pour le punir, mais ne le retrouvent plus depuis 3 jours. Ah, oui, vous voyez, ça c'est. Ah, Madame Royal ? Oui, vous voyez la forêt, oui. Comme c'est majestueux, oui. La nature, comme c'est impressionnant. Oui. Voilà, essayez de perdre votre fils dans une manif de la CGT, essayez oui, bien. Oui, merci, voilà. Madame Royal, pour cette analyse. Retour à l'activité normale sur France Inter en compagnie de notre invité Samia Rossmann. Mais bien sûr, bien sur là. Cette base solide, nous allons pouvoir entamer le débat, bien sûr. Alors le premier sujet avec vous, Samia, on ne s'ennuie jamais avec les Bleus, l'équipe de France. Benzema, jamais. Benzema et Ben Arfa n'ont pas été sélectionnés par Didier Deschamps. Éric Cantona y voit de la discrimination quand Jamel Debbouze trouve que ses joueurs payent la situation sociale aujourd'hui en France. Alors si vous n'avez pas compris le sens de cette polémique, voici peut-être une manière plus claire de la résumer. Pourquoi tu dis qu'ils sont bêtes, les Arabes ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non. Si t'as dit qu'ils étaient tellement bêtes qu'ils savaient pas la différence entre une bière et un coca, mais c'est pas vrai. J'ai pas dit ça, non. Je l'ai dit pour rigoler. Je l'ai pas dit, d'ailleurs. Pourquoi tu dis aussi que c'est des violeurs ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit des voleurs. Et encore ? Si, l'autre jour ! J'ai rien dit. Bien sûr, je disais ça pour rigoler. Si, tu l'as dit. Bon, alors bois ton coca, mange-toi, va se tirer maintenant. C'est malsain avec tes conneries. Alors, t'es content, Andouille ? On est obligé de s'enfuir, un peu plus nous égorger. Mais tu l'as dit. Bah oui, je l'ai dit, mais tu l'as sorti de son contexte. Tu l'as dit. Oui, je l'ai dit, mais je l'ai dit autrement. Alors toi, tu l'as dit, alors tu le répètes, et eux, ils croient que je l'ai dit. Voilà. Mais tu l'as dit. Mais je l'ai dit, mais tu m'énerves, je l'ai dit, je l'ai pas dit comme ça. Et puis t'arrêtes de m'emmerder, je vais te mettre une mandale, je vais te faire tomber l'autre œil, moi. Banzai. Samia Rossmann, est-ce que vous avez un petit peu suivi cette affaire qui démarre Benzema avec une sextape et là qui se poursuit avec une polémique, Ben Arfa, Benzema ne sont pas sélectionnés quand on a dit parce que Deschamps fait de la discrimination. Est-ce que c'est un dossier que vous avez un peu suivi? Brièvement, je suis pas très foot en fait. Ah déjà. Mais je comprends. Mais oui, et je comprends juste pas toute cette polémique. À mon avis, c'est juste qu'ils s'entendaient pas à la base parce que je pense qu'ils avaient déjà eu des conflits auparavant. Vous êtes au courant. Ouais. Apparemment, à l'époque, Deschamps aurait manigancé pour que Cantona ne soit pas de 98. C'était la chronique de Samir Bouadi hier. Exactement, et Samir Bouadi disait moi je me sens français, je suis d'origine arabe, je choisis bien les mots. Sans doute musulmane plus loin. Tu es d'origine humaine. Non, parce qu'il est né en Espagne. C'est le bon mot que je voulais trouver. Demande-moi si tu sais pas. Mais je te regardais, c'est pour ça que je voyais que tu m'aides, tu me tiens hors de l'eau. Et donc il disait moi, Benzema, Ben Arfa, ils sont nés en France, ils sont français. D'aller dire pourquoi on ne les prend pas parce que justement il serait d'origine, c'est faire de la discrimination. Surtout qu'il en reste un, il reste Adil. Et ils ont ramené Adil Rami, effectivement. Bah voilà, ouais. Donc, le problème ne se pose pas. Qui hier a fait un mauvais match. Et puis c'est, donc, c'est pas une question de racisme, c'est juste une question d'affinité, on est d'accord. Alors, et puis on aimerait tous penser ça. Mais est-ce que Cantona ne met pas de lui sur le feu, c'est ça que je. Mais Cantona, c'est parce qu'il s'est fait jeter aussi. Bon. Enfin, il me semble. C'est réglé. Alors, terminé. Deschamps, il s'était déjà pris la tête quand il était entraîneur de Marseille avec Bernard Fa. À thème, Bernard Fa, là. Bernard Fa. Comme quoi, il est bien français. toujours est-il que la France est encore une fois de plus embourbée dans une polémique de ce style-là. Et c'est d'autant plus dommage qu'on a connu la France bleu-blanc-beurre, si je ne me trompe. Black-blanc-beurre. Je sais que vous n'aimez pas les Noirs, de toute façon, en Belgique, c'est comme ça. Oui, j'étais pas en France à l'époque, donc je ne m'en rappelle plus très bien. Mais le foot, est-ce qu'il n'était pas devenu l'un des derniers villages de la mixité en France qu'on portait comme ça, porté par tout un peuple. Et c'est ce même village qui est aujourd'hui mis en péril. C'était une image, c'était un symbole. Et aujourd'hui, c'est le cas, non ? Mais il est toujours, non ? Ce que disait Samia, je pense qu'elle a raison. Il est toujours. Après, la France, l'équipe de foot, c'est pas censé être représentatif de toutes les communautés qui vivent dans le pays. C'est plutôt les meilleurs joueurs de foot, a priori, si je m'y connais un tout petit peu. Mes connaissances s'arrêtent ici. Apparemment, Ben Arfa a fait une saison formidable. D'après tous les spécialistes. Oui, mais peut-être que c'est un petit con dans le vestiaire et que du coup le mec se dit j'ai pas envie qu'il emmerde. Mais c'est vrai, sur le fait que les polémiques se multiplient, est-ce que vous avez l'impression parfois de devoir éteindre des feux partout, qu'on vous sollicite toujours pour ça, pour avoir votre avis? Et c'est vrai que vous avez un discours d'apaisement, tout votre spectacle est un discours d'apaisement. Je crois que si tout le monde allait voir votre spectacle, ça calmerait tout le monde. C'est drôle, il y avait un journaliste qui m'avait dit ça, qui devrait être considéré d'utilité publique, mon spectacle. Confirme. Et non, c'est un appel au vivre ensemble. Et je pense qu'en fait, si on était tous pareils, au bout d'un moment, on se chier. Moi, quand je vais passer 2 mois à Djerba, j'aime Djerba. Mais au bout d'un moment, j'en peux plus de voir la même tête que moi, x 1000, tu vois. Et donc, je suis ravie de revenir en France et d'avoir toutes ces cultures, tous ces mélanges qui se font ici. On a la chance de vivre dans un pays culturel magnifique, multiculturel, pardon. Et du coup, je trouve ça dommage qu'on se prenne la tête pour des futilités. Cette multiculturalité, à quel moment ? Multiculturalité. Voilà, hein, comme ça. même ça, j'arrive pas à dire. Ah, non, on a mais, du mal à le dire. Il faut encore se battre pour ça. Et vous disiez que votre spectacle s'arrêtait à un endroit. Parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui vous a dit, mais en fait, tu te moques jamais des blancs. Tu t'es moqué de tout le monde, mais pas des blancs. Et là, vous avez dit, mais c'est vrai qu'il faut que je me sacrifie un peu, mais j'en ai dit, pas. Le problème, c'est que j'ai grandi dans le 9-3, des Français, il n'y en avait pas. Ben voilà. Et du coup, je voudrais bien me moquer d'eux, mais si j'en connais pas, je peux pas, tu vois. Tu... Et donc, du coup, j'en ai rencontré un avec qui ça a accroché, un ch'ti. On a dû s'entendre parce que ses parents aussi devaient être cousins germains, tu vois. Et du coup, j'ai ajouté un passage sur les ch'tis dans mon spectacle. Et là, tout le monde était rassuré. Ah bah là, ils étaient ravis. Ils étaient ravis parce que les chansons de. Voilà. Voilà, ouais. La chanson de ch'ti et la danse des canards et tout le bazar, ça fait partie quand même de, du patrimoine, madame. Du patrimoine français. Oui. Évidemment. Et du coup, bah, ils étaient ravis de. En fait, je pense que c'est ça qui est important dans l'humour, c'est que chacun puisse s'y retrouver à un moment ou à un autre et se reconnaître dans ce que je raconte. Et du coup, bah, toucher un peu tout le monde, ça permet de rassembler tout le monde. Là, je joue dans le quartier du Marais, par exemple. Bah, j'ai été obligée d'ajouter un passage sur les habitants du Marais. Samia Oresman, qui joue donc au point virgule, hein, c'est ce soir et mardi prochain, femme de couleur. Voilà, on a trouvé des solutions hein, pour l'équipe de France, je pense. Début, hein. Bah, déjà, de l'humour. Bon, de l'humour, ça, c'est de réglé, l'humour. Ils peuvent gagner l'euro maintenant. De l'humour et du savoir. L'humour n'est rien sans le savoir. Merci. C'est Marius Colucci, Coluccipédia. Oui, oui, oui. Alors, voilà, bah, écoutez, moi aussi, hein, j'essaye d'être à la cool. Mais ce ne sera pas forcément le sujet de ma chronique aujourd'hui. Je vais vous parler du bouc émissaire. Alors, c'est la théorie de René Girard, hein, qui est un académicien qui, malheureusement, est mort en novembre dernier. Bah, c'est l'inconvénient des académiciens. C'est pas un métier d'avenir. Hein, si vous en connaissez un, profitez-en bien parce que ça va pas durer. Alors, René Girard, il a fait toute une étude sur le désir et la violence où il explique à peu près ceci. Dans les communautés humaines, les inégalités font naître le désir. Par exemple, il a une femme, moi j'en ai pas, je suis jaloux. Et des fois, ces jalousies n'ont pas de solution. Par exemple, il a du pouvoir, moi j'en ai pas, je suis jaloux. Alors autant dans le cas de la femme, bon bah parfois on peut trouver un arrangement sur un malentendu, comme disait l'autre, autant piquer le pouvoir de quelqu'un, bah c'est compliqué puisque justement il a du pouvoir. C'est bien moins dangereux de s'attaquer à celui qui a moins de pouvoir. Tous ces désirs mimétiques font naître de plus en plus de rivalités jusqu'au moment où la communauté est à la limite de la rupture. Et c'est là qu'intervient la violence mimétique. Je schématise, bien sûr, mais à un moment, toutes ces tensions se focalisent sur un seul individu, qui est facilement reconnaissable et qui n'a pas de pouvoir, évidemment, c'est le bouc émissaire, et il va passer un sale quart d'heure. D'ailleurs, c'est comme ça que sont nés les dieux. Une fois sacrifié, le bouc émissaire incarne à la fois tous les maux de la société, mais aussi la solution à tous ces maux. Puisqu'on les a sacrifiés pour qu'il n'y ait plus les problèmes. Alors bien sûr, c'est juste un petit pansement pour régler un vrai problème de société. Donc on sacrifie un type, ça soulage. Et quand les problèmes reviennent, bah on sacrifie un autre type. Chez les Grecs, tous les ans, il y avait une fête religieuse où on sacrifiait une victime. C'est le pharmakos, le remède à tous les maux de la cité. Alors, selon les époques, on sacrifiait pas toujours une victime humaine. Des fois, c'était des animaux. Et puis après, on faisait le méchoui. Et puis des fois, on les chassait juste de la cité. Ils traversaient toute la ville frappés par les habitants à coups de branches de figuier et ils étaient bannis. D'ailleurs, on retrouve ça aujourd'hui dans les carnavals, hein, avec le père Fouettard, ou dans les férias où les animaux traversent la ville, pareil. Ou même dans la fête de l'Aïd, hein, qui est aussi un descendant du bouc émissaire. Et où on fait le méchoui. Parce que dans l'Antiquité, c'était très répandu. Par exemple, chez les Celtes, on a découvert, en faisant des fouilles archéologiques, qu'ils sacrifiaient leur roi. Faut être un peu con quand même pour sacrifier le roi, quoi. Oh, les Français ont fait ça aussi un petit peu. Hé, les mecs, s'il y a bien un type qui peut nous sortir de la panade, c'est notre chef. Je propose qu'on le tue. Ouais. Mais aujourd'hui, mais ça n'a pas vraiment changé. Tous les 5 ans, on élit un type pour qu'il trouve une solution à tous nos problèmes. Et ensuite, on passe 5 ans à le conspuer, à l'insulter, à descendre dans la rue pour dire « on n'est pas content ». Faut être masochiste hein, pour faire de la politique. Pourtant, les mecs se battent pour être président. Faut croire que les compensations sont intéressantes. Alors, je voulais dire au président et à tous ses prédécesseurs et à tous ceux à venir, si vous vous faites chier dessus à longueur de journée et à longueur de journaux, c'est normal. Faut pas vous inquiéter, c'est dans la nature humaine, ça leur fait du bien. Et c'est pourquoi, au nom de tout le peuple français, je vous dis merci, monsieur le président. Marius Colucci, et oui, toute la France se soude contre un individu. On le voit bien, elle est très très soudée. Hein. C'est vrai que conspuer Hollande, ça nous soude tous autour de cette table un peu, déjà, il faut le dire. C'est une bonne idée, les coups de fouet à suivre quelqu'un. Je proposerai Éric Zemmour pour cette année. Je suis tous ces coups de fouet. Allez, restez avec nous sur France Inter. Et tu penses une chose, tu penses son contraire. Tu passes ton temps à faire encore plus à défaire. Tu sens comme tout de toi ne prend plus la lumière. Tu sens comme tout de toi glisse sans fin vers la rivière dans la nuit. D'ici. quand tu te crois indigène. Mais tout était boulif, il chantait dans la plaine. Tous sont encore esclaves, tout est vain et cruel. Autant que tout emporte, rien ne tient le contre-courant dans la vie. D'ici, dans la vie. Tricéphale sous les caresses bleues, tu cherches vent ta dos au cours des promenades. Tu vois la langue douce briser ce qui est beau. Je crois qu'il ne nous reste que la peau sur les os dans la vie. D'ici, dans la vie. D'ici. Le cœur et le cerveau, petit talus de Lorraine, corolle de lumière, giroflée des moraines, ventricule du cœur qui crache dans l'artère. Ma petite marmotte ne va pas t'engourdir tout l'hiver dans la vie. D'ici, dans la vie. Jean-Louis Murat, French Lynx, c'est la playlist France Inter, je l'aurais deviné. Vous êtes sur France Inter avec Samia Oresman, que vous pouvez voir au point virgule dans Femmes de couleur. Allez-y les auditeurs de France Inter, ça fera des blancs dans la salle. Mais oui, pas des blancs du silence, hein, des blancs. Il y en voilà, a. Y a des blancs, ils sont partout. Il y a tout, hein. Il y a des mères de familles voilées qui viennent avec leurs filles en mini-jupe. C'est formidable la diversité. Le spectacle est aussi dans la salle. Jure, les c'est super ça, chouette. Ça doit être un peu plus rare quand même. Non, à côté de moi, mon petit. Ah bah oui. Ah, c'est pas vrai. Ah moi j'ai vérifié. Est-ce qu'il y a des filles voilées et en mini-jupe en même temps? Ça c'est possible. Parce que le voile, c'est vachement pratique en fait pour draguer les mecs, parce que comme ça, eux, ils font pas gaffe. Tu peux les mater. Et est-ce que par exemple, il y aurait une chronique de Guillaume Meurice, oui, ou on la reporte à demain? Qu'est-ce qu'on fait? Alors attendez, parce que j'ai pas compris la vanne. L'expliquera. Ils font pas gaffe à quoi? Allez, concentrez-vous. Il y a des auditeurs qui vous attendent et ils sont chauds. Une chronique un peu solennelle aujourd'hui, Charline, parce qu'on le sait, la course pour la présidentielle est lancée. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un candidat se déclare. Alors hier, c'était Renaud Camus, le théoricien d'extrême droite, qui a un programme simple, hein, qui s'intitule C'est la faute aux Arabes. Voilà, pour lui, tout est de la faute aux Arabes. L'insécurité, c'est les Arabes. La pluie. Voilà, c'est ça. Alors lui, c'est un peu plus poussé. La pluie, c'est les Arabes aussi. L'herpès de ma cousine, c'est les Arabes. Ah bon, ça c'est vrai parce qu'elle est sortie avec un Marocain qui avait de l'herpès, mais bon, ça n'a aucun sens. Donc le reste, toute la faute des Arabes. Le gars, je vais vous dire, s'il voit le spectacle de Samia, autant dire qu'il s'ouvre les veines avec des rognures d'ongles de Robert Ménard directement. Alors bon, Renaud Camus, c'était hier, hein, et moi, aujourd'hui, j'ai un candidat qui me fait l'honneur de se déclarer dans la course à l'élection présidentielle, dans ma chronique, figurez-vous. Et oui, il a tenu à faire cette déclaration. C'est André ? Voilà, alors on dirait Thomas Bidoguin, à qui on a dit qu'il restait une part de clafoutis, mais c'est pas ça du tout, c'est un âne. Il s'appelle Billy, et il vient de vous annoncer sa candidature à l'élection, donc présidentielle. Alors, au cas où vous seriez pas bilingue, hein, je traduis, il vient de dire « Je ne vois pas comment je pourrais faire pire que François Hollande, j'y vais. » Et moi, j'aime bien aider les candidats, alors première étape, il lui faut des parrainages. Ah, bien sûr. Je suis donc allé au congrès des maires de France, hein, qui ouvrait ses portes ce matin pour les chercher. On commence avec un maire qui nous vient du Lot-et-Garonne. Alors lui, il a prévu de donner son parrainage à aucun candidat du tout. Un âne ? Ah mais là, ça devient intéressant par contre. Ça, si vous me parlez comme ça, oui, là je pourrais être intéressé. Alors, quel est cet âne ? Ben, c'est un bonnet du Poitou. Alors rien à voir avec Jean-Pierre Raffarin, hein. Je l'ai écouté vraiment beaucoup et il dit moins de conneries que beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques réunis. Voilà, donc il ne remue que les oreilles alors s'il dit pas de conneries. Voilà, exactement. Voilà, mais c'est sérieux ou c'est... Attends, le gars il doute. On vit dans un pays où Hervé Mariton, Jacques Cheminade ou Jean-François Copé sont plus crédibles qu'un âne. Comme candidat à la présidentielle, la France va mal, hein, moi je vous le dis. Et la campagne de Billy commence mal. Alors passons à un autre maire, celui de Saint-Hilaire-Foissac, en Corrèze. Alors lui, il soutient clairement le parti Les Républicains. Est-ce qu'il parrainerait Billy ? Attendez, là vous êtes en train de me faire partir sur des chemins. Non mais par exemple, il n'a pas de casier judiciaire. On sait que c'est un problème chez Les Républicains de trouver un candidat qui n'en a pas. Attendez, alors il y en a qui ont des casiers judiciaires, mais qui l'ont pris pour les autres, si vous êtes bien renseigné, n'est-ce pas ? Non, vous allez soutenir Juppé. Peut-être. N'importe quoi. Alors, je rappelle que Billy n'a pas foutu la France à feu et à sang en 95. Il joue pas au beer pong pour faire croire qu'il est jeune. Il n'essaie pas de faire croire qu'il est le renouveau de la politique alors qu'il a 10 000 ans. Donc, je comprends pas comment on peut hésiter entre Juppé et Billy. Allez, je continue ma campagne Billy for President avec le maire de Marsat dans le Puy-de-Dôme. Alors, lui aussi, il est soutien de Les Républicains. Est-ce qu'il parrainera mon âne ? Votre âne, non. Pourquoi ? Ben si, sauf s'il est capable de gagner. Ben il est capable de gagner. Si vous avez le choix Qu'est-ce que vous voulez me faire dire là ? Si vous avez le choix entre mon âne et Nicolas Sarkozy. Ah, je prenais Nico. C'est vrai ? Oui. Non, mais il n'est pas mis en examen, mon âne. Ben oui, mais bon, mais d'accord. Bon, on verra. L'espoir est permis. Continuons avec ce même maire. Faut quand même être raisonnable. Bon, entre mon âne et Geoffroy Didier. Là, mon âne, il a plus de chances de gagner. Qui c'est celui-là ? Ah, vous connaissez pas Geoffroy Didier ? Non, non. Non, vous connaissez pas en vrai ? Non, pas du tout. Oui, c'est un vrai candidat des Républicains. Ah non, mais je connais pas tout le monde. Hein. Les Républicains, on est plus je sais pas, 200, 300 000 ou 400 000, donc je les connais pas tous. Hein. Putain, il y a tellement de candidats à la primaire de la droite que même les maires de droite ne connaissent pas tous les candidats. Au rythme où c'est parti, je crois bien que Billy sera bientôt plus connu que Geoffroy Didier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais va-t-il pouvoir enfin obtenir un parrainage, ce Billy ? Alors peut-être chez le maire de Manille-Danigon, en Haute-Saône. Alan ? Ouais. Non. Mais pourquoi ? Parce que... au vote d'Alan ? Oui. Ah. Oh, oui. Ah. Oui, je le ferai certainement, parce que vous me paraissez... Vous l'avez certainement bien éduqué, votre âne. Bon, alors, il a un parrainage. Je peux compter sur votre parrainage. Oui. Hop là ! Et bien, hop, ça commence. Voilà. Je suis certain que c'est déjà un de plus que Nicolas Dupont-Aignan. Hein. La campagne de Billy est bien lancée. Continue avec la maire socialiste de Chambonnard, en Ardèche. Alors, elle a cru une blague. Je suis pour la démocratie, mais justement, je trouve que c'est trop important pour que ça soit... Que ça soit comme ça, un peu tourné en dérision. Et il me semble que c'est important de le laisser à un bon niveau, enfin un niveau de... Mais pourtant, on l'a bien confié à François Hollande. Mais c'est pas du tout la même chose, heureusement d'ailleurs. C'est pas une blague, ça ? Ah non, absolument pas. Il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes qui ont été faites. Moi, j'avais lu, François Hollande, il avait dit « Mon adversaire, c'est la finance ». Et mon âne, il dit pas ça. Je crois qu'aussi, au-delà des déclarations et des petits mots, il faut aller au fond des choses. Et oui, je crois bien qu'en termes de fond, on le touche, hein, quand on voit la bagarre puérile qui a débuté pour la campagne présidentielle. Alors heureusement qu'il reste des élus locaux pour sauver ce qui reste de démocratie en France, parce que pour le reste, il faut se préparer à entendre pas mal d'âneries. Guillaume Meurice. Vous avez compris, le jeu de mots, il y a un jeu de mots à la fin. Il y a eu une chute, mais alors là, paf, bim, comme ça, à 17h42. Il y a eu du clafoutis. Pour vous, Thomas Bideguin, oui. Écoutez, profitez-en parce qu'on va vous entendre dans quelques minutes. Échauffez-vous la voix. On va d'abord aborder le deuxième sujet avec notre invité, Samia Orosmann. Approfondissons ce sujet, justement, oui. Samia, puisque dans cette émission, nous allons au fond des choses, tout au fond. Alors, que sont devenus les centres-villes où les petits commerces ferment au profit des zones périphériques où on peut aller passer son samedi chez Noroto ? Eh bien, les solutions innovantes existent pour redynamiser les centres-villes. Démonstration. Si vous le permettez, Jean-Claude, j'aimerais rebondir sur la question de madame, parce que justement j'y ai pensé et j'ai une idée pour dynamiser le commerce en centre-ville. Une sorte de parapluie géant, rétractable bien entendu, sinon ça n'a pas d'intérêt, qui permettrait aux citoyens de faire leur shopping en toute tranquillité, quelles que soient les conditions climatiques. Valérie Bonneton dans Fais pas ci, fais pas ça. Samia Orosmann, vous qui sillonnez la France en tournée, vous qui bougez beaucoup dans ce pays, est-ce que vous passez un petit peu de temps quand même dans les centres-villes ? Vous avez l'occasion ? Ouais, je prends le temps. Mais moi, la différence que je voulais faire avec nos quartiers en banlieue parisienne, c'est que justement, on a dynamisé les centres-villes pour éviter qu'on dépasse le périph. Et donc, c'est pas quelque chose de neuf. Ah oui, c'est-à-dire qu'on est bien en retard dans les villes, dans le Limousin. On a les centres commerciaux, on a tout ce qu'il faut pour dire, vous restez là. entre vous et surtout, vous ne dépassez pas ces limites-là. Voilà. Et quand vous allez justement dans les villes, bien au-delà, en région, etc., quel constat vous faites de ça ? Alors, vous en profitez à fond, vous constatez qu'il y a des petits commerces, que peut-être la vie est plus chère que d'aller en périphérie faire ses courses dans un espèce de mall comme ça. Ça coûte un peu plus cher et des fois, je me dis que moi, je pourrais jamais y vivre parce que sans permis de conduire, c'est un peu tendu. Mmh. Et que les centres-villes, effectivement, il n'y a pas énormément de commerces qui sont ouverts. Je me demande comment les gens font. S'ils n'ont pas de véhicule, c'est foutu, tu peux rien faire, tu peux pas bouger, tu peux. Et je me dis que c'est vraiment compliqué, quoi. Mmh. Mais c'est tout récent, parce que moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, je pensais que toute la France, c'était comme Paris. et donc, plus je découvre des endroits, et plus je me dis, waouh, il y a des gens qui peuvent vivre comme ça, avec une maison par kilomètre. C'est. Oui, ça et vous, donc vous, comment se perçut vos spectacles en tournée comme ça, justement dans des régions différentes, parce que vous parlez pas mal du Paris multiculturel urbain. Ben, je donne aux gens les clés pour comprendre mieux l'autre qu'ils ont l'habitude de voir des fois seulement à la télévision. Mmh. Et donc forcément, quand on habite dans un petit village au fin fond de la campagne française et qu'on n'a jamais rencontré de maghrébins, et ben on s'attend pas à en trouver des aussi sympas. Alors il y a toujours cette phrase qui revient de ah mais toi t'es pas pareil. Ouais. Mais ça fait combien qu'ils sont pas pareils, on sait pas. Donc non, c'est très drôle. Ils viennent me toucher et tout pour voir si je suis vraiment vivante. Et vous allez jusque dans les villes Front National. Oui. Et comment ça se passe? Du coup, quand le maire est au premier rang, tout va bien? Généralement, le maire ne vient pas. Ah. Mais j'ai déjà fait des salles pleines dans des villes où on vote Front National. Et c'est jouissif. T'imagines? C'est chouette quand on a des petites vieilles qui viennent nous voir en disant ah, on a passé un très bon moment, vous êtes remplis de générosité, merci pour ce que vous faites, vous rassembler. Eh bien, il n'y a rien de plus beau que ça. Est-ce qu'elles changent leur vote après? Je sais pas. En fait, vous déradicalisez les gens. J'essaye à ma petite échelle de donner les clés pour mieux comprendre l'autre et se rendre compte qu'on est tous humains finalement. Samia Orasman qui sera donc dans le centre-ville d'Avignon, mais qui sera très animé ce centre-ville, très dynamique, hein, centre-ville d'Avignon, dans les environs du mois de juillet. Tomé Bideguin. Oui. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Puisque là aussi, avec vous, on va dans le fond des choses. Hein. Oui, oui, on y va tout droit, vous allez voir. Oui, voilà, moi je reviens une fois de plus pour vous parler de storytelling. On l'oublie parfois. Et c'est comme ça. Une fois de plus, je viens décortiquer toutes ces histoires qu'on nous raconte. Une fois de plus, parce que la pédagogie, c'est la répétition. Et c'est justement ça, le thème du jour. Pas la pédagogie, parce que ça, les gars, avec vous, il y a longtemps que j'ai lâché de faire, mais la répétition. La répétition, c'est un secret bien gardé dans le storytelling, parce qu'on vit dans le culte du neuf. Si j'avais un euro pour chaque fois qu'on m'a vendu un truc en me disant que c'était nouveau, eh ben j'aurais déjà racheté la Floride pour devenir professeur de golf et je ne travaillerai plus dans cette maison ronde où, il faut bien le dire, un repas chaud est une fête. À longueur de médias, on nous vend le monde moderne comme un irrésistible accélérateur de particules, une machine folle à produire de l'actualité, un tourbillon incessant de nouveautés qui nous emporte à chaque instant un peu plus loin sur la route de l'inédit. Et puis on regarde l'actualité de la semaine. Il pleut sur Roland-Garros, ok. Il y a des grèves, ok. Et des interviews de François Fillon dans les journaux. La gauche critique le gouvernement de gauche. Et notre prochain président sera certainement un homme blanc entre 55 et 70 ans. Et encore là, c'est si on a du bol. Donc la modernité, franchement, on se dit qu'on va se la mettre sur l'oreille et qu'on la fumera tout à l'heure. Parce que c'est vrai, quoi de neuf cette semaine? Plus de plaintes contre Baupin? Visiblement, les élus n'avaient pas tout dit. Les verres, c'était qu'à moitié plein. Ou alors, sur les écrans, il y a encore un nouveau film des X-Men. Cette fois-ci, l'action se déroule dans les années 90. Je crois que le scénario, c'est qu'ils utilisent en fait tous leurs super-pouvoirs pour essayer de stopper les Backstreet Boys. Et quoi d'autre? La dette publique espagnole qui atteint un nouveau record. Waouh! On n'a jamais entendu un truc pareil. Même les Espagnols sont très inquiets. Ils n'ont pas pu fermer l'œil de tout l'après-midi. Voilà. Et dans les stations-service, les gens font 1h30 de queue pour avoir de l'essence. Et bien même là, c'est comme en 2010 ou comme en 95. 1h30 de queue, c'est d'ailleurs en condensé le résumé de mon premier mariage. Mais et c'est pareil même chez Al-Qaïda. Ils ont choisi cette semaine un nouveau leader, le Mollah Aïbadullah Akhundzada. Ah. Oui, en dehors de faire exactement comme l'ancien leader, 700 points au Scrabble avec son nom, et ben, quand on regarde sa photo, on voit qu'Al-Qaïda a peut-être changé de leader, mais pas de coiffeur. On est sur une continuité du stylisme. C'est un peu comme quand le Mollah Juppé remplace le Mollah Fillon. Sauf que chez Al-Qaïda, le dernier leader a tenu 10 mois avant de se faire rattraper par un drone. Au moins, à l'entretien d'embauche, on imagine que ça évite la question... Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Enfin, voilà, le monde tourne, mais nous, on reproduit en papier carbone. Ça en deviendrait presque marrant. Parce qu'il n'existe, comme tout le monde le sait autour de cette table, que deux sortes de comiques. Le comique de répétition et le comique de répétition. On comprend ça en vieillissant. Parce que quand on est jeune, tout est source d'étonnement. Non, c'est pas vrai. Il y a un nouvel iPhone. Oh, non, il y a un nouvel album de Beyoncé. Tu déconnes, il y a un nouveau mouvement d'Emmanuel Macron. C'est pas vrai. C'est comme ça, la jeunesse s'est étonnée partout. Oh, et si on se mariait? Voilà, on voit le monde avec des yeux nouveaux quand on est jeune. L'intensité est sur 18 et a posteriori, rien que d'y penser, c'est déjà épuisant. Alors que quand on est vieux et qu'on a connu l'absurde espoir qu'a pu représenter Raymond Barre, par exemple, pour la France, on regarde un mouvement comme En Marche, vaguement professoral, dans l'air du temps, dans l'évidence d'une orthodoxie économique et totalement dépourvu de couilles, avec une légère impression de déjà-vu, de déjà-vous, comme on a envie de dire. On se rend compte que tout se répète et que ce qui est difficile dans la vie et donc dans le storytelling, c'est de déjouer le programme, de déjouer la facilité du 49-3, de déjouer la fatalité d'un deuxième mariage, la fin d'un mandat, d'un quotidien démobilisateur et sortir des routes toutes tracées, un peu comme ils font sur Egypt Air. Et on se prend à rêver d'un storytelling qui arrêterait d'essayer de nous vendre le désordre du monde d'aujourd'hui comme la photocopie pâle et rassurante de celui d'hier, mais plutôt comme le brouillon de celui de demain. Thomas Bideguin, merci. Mais vous voulez dire que Bruno Le Maire, par exemple, c'est pas le renouveau? Bah, ah non, dur pas Bruno Le Maire. Vous désenchantez le monde, c'est pas bien ce que vous faites, Bideguin. Je le lis, c'est moche. Howard Hawks disait qu'il faut surprendre le public avec ce qu'il connaît déjà. Pas mal. Oh, bim, bim. Merci Marius. Il y a un niveau dans cette émission. Allez, avec Samia Oresman. Toutes les deux minutes. On aborde le troisième sujet. Rodin, Picasso ou Toulouse-Lautrec posaient déjà pour les photographes. Ils posaient dans leur atelier. Et ces clichés sont aujourd'hui rassemblés dans une exposition au Petit Palais à Paris, où l'on peut admirer les débuts de la communication finalement et de la starisation des artistes. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, les artistes sont au-dessus de ça. Hein. C'est différent. Définir l'art. Pourquoi faire ? On est déjà tous bloqués dans des cases, dans un monde cloisonné, et on essaie tous de libérer un idéal sans savoir vraiment finalement ce qu'on libère. Mais vous vendez vos œuvres ? Ah non, ça ne se vend pas, c'est un fluide, une énergie. Celle-là, c'est ici, c'est maintenant. Mais vous facturez quand même vos performances. Disons que c'est un échange. Fille d'aujourd'hui, ça s'appelle. Très drôle. Je vous le conseille. Ouais, très, très, très, très chouette. Eh bien, les portraits d'artistes étaient imprimés en format vignette, vendus par les épiceries Félix Potin et collectionnés, un peu comme des panini hein, de Picasso, de Toulouse-Lautrec, etc. Donc, les grands artistes ont su vendre leur image très, très tôt, dès le 19e siècle, sous forme de photos. Ça permet de relativiser un petit peu aujourd'hui. Je me disais, tout ça constitue donc un magnifique témoignage, puisque c'est exposé au Petit Palais à Paris. Mais alors, par exemple, quid du selfie de Kim Kardashian nue dans un siècle, ça permet de relativiser les choses. Je me demandais, Samia Oresman, aujourd'hui, est-ce qu'on doit se vendre soi-même pour aider à remplir les salles, ou justement c'est les salles qui se remplissent et à un moment on s'intéresse à vous et on vous tend le micro. Dans quel sens ça s'est passé pour vous, par exemple? La numéro 2. Ah, la numéro 2, c'est d'abord on fait son travail et ensuite les gens viennent. Mais il faut d'abord faire son travail et ça sert à rien de faire de la publicité sur du vide si on n'a rien à proposer. Comme les peintres. Oui, combien de fois on te l'a dit ? Comme les peintres ou les philosophes aujourd'hui qui écrivent des bouquins. Le bouquin est à peine sorti, ils sont devant des médias et au contraire de Sartre ou d'autres qui étaient connus par leur œuvre d'abord et puis auxquels on tendait le micro. Il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas besoin de publicité pour un bon produit. Alors, ça, c'est McDonald's. Thomas Bideguin, un ami là-dessus. Ça marche avec sextape. Alex Vizorek, c'est un sujet qui vous a tapé dans l'œil aussi ce matin. Mais non, parce qu'effectivement, Samia est devenue connue par une toute petite vidéo que vous avez fait sans réfléchir. C'était pas à but publicitaire. Laquelle ? Alors rappelez-nous. Oui. La vidéo sur les djihadistes. En fait, après les attentats à Ottawa, j'étais consternée par le fait que les types qui étaient entrés dans le Parlement et qui avaient tiré sur des gens étaient canadiens d'abord. Donc là, tous les musulmans du monde se sont dit « Hamdoula, cette fois-ci, c'est pas nous ». Et sauf que juste après, on nous annonce qu'en fait, il était fraîchement converti à l'islam. Alors du coup, j'ai fait cette vidéo un peu en colère pour dire « Mais c'est bon, quoi, lâchez-nous ». Et vous voulez que je vous la fasse ? Rapidement. Ouais. Alors bonjour, c'est un petit message pour tous ceux qui se prétendent islamistes, djihadistes, pianistes, cyclistes, pour commettre leurs méfaits. Alors vous êtes gentils, maintenant vous nous laissez tranquilles. D'accord ? C'est déjà difficile pour nous de vivre ici. Alors si en plus vous commencez à ramener la reine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Donc merci de choisir une autre religion. Au revoir. Samia Oresman, et vos talents de comédienne tout de suite sur une proposition d'Alex Vizorek. Je vous donne un autre rôle. On propose toujours un rôle en fin d'émission à l'invité. Je vous donne le rôle de Marine Le Pen. Attention, ben oui, je me suis dit que c'était drôle. Ah ouais, vous faites ce que vous voulez, vous imitez si vous voulez, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Marion Maréchal, elle a été au congrès de Robert Ménard ce week-end et elle est partie assez vite parce que le Front National pensait qu'il fallait pas y être. Alors, débriefing, Charline de Nounacker et Marion Maréchal, Guillaume Meurice, Florian Philippot et ça débat de savoir s'il fallait y aller ou pas. Bon alors, j'ai toujours pas compris, fallait que j'y aille à Béziers ou fallait que j'y aille pas ? C'est maintenant que tu poses ma question ? Bah, moi, depuis le début, j'ai dit que c'était une connerie, hein. Fallait pas y aller. Mais pourquoi ? On n'est pas un parti d'extrême droite. Pardon, mais c'est sûr, ça ? Certain. Faut le dire à papy, alors. Silence, papy est mort. Quoi ? Oh non, c'est trop triste. Non, mais non, papy est mort politiquement. Non, mais en fait, fallait juste pas aller à Béziers, c'est tout, quoi. Moi, j'ai bien aimé Béziers. Ben voilà, elle fait du tourisme, alors non, voilà. C'était très propre, hein. Il n'y a pas de linge aux fenêtres, il n'y a pas de punk à chien, et puis moi, je l'aime bien, Ménard. Pas physiquement. Ben non, jamais, parce qu'il me retweet souvent. Non, mais c'est un gros naze. Tu vois pas que ce week-end de table ronde, pour lui, c'est comme un grand test. Florian, je te rappelle que le Grand Est, c'est ta région, ok ? Oh, c'est excellent. J'ai pas compris, hein. Et puis moi, je vais où je veux. Mais hein, qui t'avait dit d'y aller ? Ben, c'est papy. Évidemment. Quel con aussi celui-là. Oh Florian, je t'interdis, c'est ton père. Oui, pardon, c'est le tien. T'as raison, mais je te l'interdis quand même. D'accord. Non mais Marion, toi, pourquoi t'es partie alors de Béziers ? Ben moi, quand j'ai compris que c'était des débats de réflexion et qu'ils avaient invité des penseurs, des philosophes et puis des intellectuels. Oui, d'accord, tu te sentais pas à ta place, quoi. Oui, je comprends. Voilà, moi je me suis sentie stigmatisée. Ouais, bien sûr. On est en France quand même, hein. Mais Tata, j'ai bien rappelé nos principes. Très bien. Tu as dit qu'on est pour la France et contre l'euro. Ben non, désolée, parce que moi j'aime bien le foot, même si je comprendrais aux règles. Non, mais Marion, attends, on parle de la monnaie, là. Ah, oups, pardon. Non, mais surtout, Marion, nous, on est anti-système, alors que Ménard, non. Voilà. Au pire, il est anti-magic system. Oh là là, c'est excellent. J'ai pas compris. Bon, tu sais quoi ? Le mieux, c'est que tu te reposes, tu souris et tu me laisses parler. Ah bah ça, je sais faire, hein. En fait, j'ai demandé la même chose. Qui ça ? Ben, papy. Samia Oresman, c'est pas le kiff de faire Marine Le Pen ? J'adore. J'ai toujours rêvé de faire un rôle de composition, j'en avais marre de jouer la maghrébine, tu vois, et là je trouve ça génial, une vraie franco-française. Pour le biopic, elle est prête. L'autre va se retourner. Samia Oresman, merci, je rappelle que votre spectacle, il s'appelle Femme de couleur, c'est au point virgule, chaque mardi, donc ce soir et puis le dernier, ce sera mardi prochain. Non, le 14 parisien. Ah, il reste encore oui, deux semaines. C'est juste, ben voilà, on a le temps d'y aller. Et quand les arabes ne viendront pas parce que c'est Ramadan, je vous attends. Ben voilà. Non, c'est annulé le Ramadan cette année. Et puis aussi à Avignon. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Oh, et on laisse le mot de la fin au maître. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir.